And now for the next part of the dialogue. Ce n'est pas difficile, le français. Not so fast. Pardon. French is not difficult. Le français n'est pas difficile. Not like English. Pouf. L'anglais, c'est très difficile. Very difficult. But you speak English very well. Non, je ne crois pas. I do not think so. I think you do. Merci. Monsieur Wickham. George Wickham. Ah oui. Monsieur Wickham. Et moi, je suis Hélène. Hélène? C'est ça.